L'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a inséré dans son page d'internet la lettre historique du maréchal Kim Jong-un, des tâches fondamentales de l'université Kim Il-sung à la nouvelle époque de la révolution Juche, envoyée au personnel enseignant et administratif et aux étudiants à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de l'université.